بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة الله والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس التمويه. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم اكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc inshallah, on va entamer la révision de ce qu'on a pu voir vendredi dernier, de le cours qui a tourné autour de le deuxième tashahhud. Donc on avait pu voir certains des jugements qui étaient relatifs au deuxième tashahhud. Quel est le jugement du deuxième tashahhud? Pour commencer, c'est un wajib min al-wajibat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Idha qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu. Lorsque vous asseyez après chaque deux unités de prière, dites at-tahiyatu lillah, as-salawat wa at-tayyibat ila akhirih al-hadith. Donc il y en a à savoir, c'est que c'est une obligation. Le cours, il avait pu se tourner sur la description de l'assise et de kazalika des mains, comment doivent être observées au cours de ce tashahhud. Donc, par rapport à l'assise, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il nous a dit que il fait, ou plutôt dans le deuxième tashahhud, il fait comme dans le premier tashahhud. C'est-à-dire kazalika, il s'écarte des choses qui sont interdites dans le premier tashahhud, comme c'est le cas de l'iqa' et qi'datu shaytan, comme on a pu le voir. Et quant à la description de l'assise, yani, tu as deux manières de faire. Qui nous rappelle ces deux manières-là? Il y a une petite rectification, inchallah, qu'on va faire au niveau de la traduction, car j'avais mal traduit un hadith. Qui se rappelle la description qu'il faut observer au niveau de l'assise pendant le deuxième tashahhud? At-tawarruk, c'est-à-dire de prier de manière, yani, si on peut dire ça, déhanchée. Ou plutôt de s'asseoir de manière, yani, déhanché. Donc la première assise, par terre du côté gauche. Donc le derrière, il est à même du sol. Le pied gauche entre le mollet et la cheville de la jambe droite. Il n'y a pas un endroit précis. Laquelle entre eux, tu mets ta jambe entre la cuisse et ton pied. Tu as même deux du côté droit. Quant au pied droit, il doit être dressé de la même kéfiya. Pied droit étalé sur le sol. Au fait, il y a une traduction que j'ai mal traduite, c'était hadith Zubair, Azan Abdullah ibn Zubair, radiallahu anhu, dans Muslim, dans lequel il est décrit que lorsque tu dresses ton pied droit, ton pied gauche, il va passer quoi? En dessous. T'as même en dessous de ton petit pied droit. Il va passer en dessous de ton petit pied droit et non se placer entre ta cuisse et ta jambe, même entre la cuisse et la jambe du pied droit. Donc la première kéfia, c'est de mettre son derrière à même du sol, son pied gauche entre le quoi, la cuisse et sa jambe. Voilà, une sandale. Entre sa cuisse et sa jambe, tamam, et son pied droit, il est étalé. Et la deuxième kefia, ton pied droit, il est dressé, ton pied gauche, inchallah, il passe en dessous, il y en a deux, du tibia, tamam, du tibia du côté droit. Quant à la main, quant aux mains plutôt, quel est le placement des mains pendant ce teshahhud? Comme dans le premier teshahhud. Il y a des hadiths qui viennent qui disent que quand Nabi Sassan yani yaj'al yada ou yada shimaluhu ala rukbatihi, il mettait sa main gauche, ou plutôt la paume de sa main gauche, sur quoi? Sur son genou. Et dans d'autres riwayats, yulqimu biha, yani comme si jamais il avalait son genou. Et kadhalika, comme c'est venu de tout ça, ça a été rapporté par Muslim et de Ibn Umar radiallahu anhu, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quoi? Posé sa paume gauche sur sa cuisse. La main du côté droit, yani ma'ruf, c'est que ton avant-bras de la main droite, il doit être quoi? Sur la cuisse droite. Et quant à l'index et tout ça, la main, yani c'est ma'ruf, yani t'as trois manières de faire comme on a pu l'évoquer. Quel est le jugement de cette manière de s'asseoir et kadhalika de poser les mains? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est recommandé? C'est autorisé? Non, c'est une sunnah car le Nabi sallam, il l'a fait. Non, mustahab. C'est une sunnah car le Nabi sallam, il l'a fait, il l'a pas ordonné. Quel est le jugement de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le deuxième tashahhud? Non, pareil, c'est mustahab. Le hadith qui montre, il y a des hadiths qui sont venus dans lesquels le Nabi sallam, il a ordonné cela. Ou plutôt, c'est venu sous la forme de l'ordre. Lakin, comme on a pu le voir, le hadith de la personne à qui le Nabi sallam, il a questionné au sujet de sa prière, il a dit comment tu pries, il lui a dit je fais le tashahhud, ensuite je demande le jannah et je demande kadhalika le refuge auprès d'Allah azawajal contre l'enfer. Donc il lui a pas ordonné de d'évoquer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Si jamais ça aurait été une obligation, il aurait enseigné surtout à ce moment-là où c'était un moment où cette personne-là demandait un enseignement. Donc il fallait le rectifier. Donc le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tué, ceci prouve que yani c'est mustahab. C'est mustahab, et même on peut dire yani que c'est mustahab bun jiddan. Parce que Nabi Sallam il l'a fait, et c'est pas connu qu'il l'a délaissé. Quel est le jugement de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre les quatre choses, c'est-à-dire l'enfer, la tombe, la fitna de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, et Masih ad-Dajjal? C'est pareil, c'est mustahab. Et pour cas les cas, les hadiths, les nombreux hadiths dans lesquels Nabi Sallam il a évoquer un ordre, tous ces ordres-là d'apparence, on peut penser que c'est une obligation. Lakin, le même hadith dans lequel Nabi Sallam a questionné cette personne-là au sujet de sa prière, kazaleka, et il lui a dit, yani comme on a pu l'évoquer, et il lui a pas réprimandé le fait qu'il n'a pas pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre ces quatre choses. Donc si jamais ça aurait été une obligation, Nabi Sallam ne serait pas tué, car c'est ma'ruf. Le fait de retarder l'exposé d'une chose au moment propice, c'est une chose qui n'est pas existante dans le dîn. Quant aux formules qui sont légiférées pour cela, comme on a pu le voir, qu'il y a plusieurs manières de faire. Donc, on a pu voir que al-istihadha, le fait de prendre refuge auprès d'Allah Azzawajal, c'est contre quatre choses. Mais est-ce qu'il y en a c'est daim, yani c'est obligé que tu fasses l'istirada contre ces quatre choses-là, daiman, ou bien tu peux varier. Est-ce que tu peux faire précéder certaines formules à d'autres, ou bien il faut toujours. Non, mais il y a des différentes formules. Il y a différentes formules. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal. Qala min hadab jahannam, wa hadab al qabr, wa min fitnatin mahiyya wa mamat, wa min fitnatin masih ad-dajjal, ça c'est le ma'ruf. Kazalika, il a pris le refuge de cette manière. Min hadab al qabr. ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم contre les péchés, il a pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre les péchés et les dettes. Et كذلك ça lui arrivait de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal sans évoquer Jahannam, لكن en évoquant النار. تمام كان يقول يعني اعوذ بال يعني يستعيذ من النار ثم من عذاب القبر من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Ou plutôt, lorsqu'il a pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre l'enfer, il a dit de cette manière, « A'udhu billahi min adhab al-nar wa adhab al-qabr wa min fitnati al-masih al-danjal wa min fitnati al-mahya al-mamat. » Donc, il a inversé, il a fait précéder le fait de prendre refuge auprès d'Allah Azzawajal contre al-dajjal, et ensuite il a ramené « yani fitnati al-masih al-mahya al-mamat. » Donc, après, on a pu évoquer yani, les l'essence qui tourne autour de cela. Et Inch'Allah, pour ne pas prendre de retard, pour conclure, Inch'Allah, on va entrer dans le cours. Tfaddal. Non, vas-y. Dans la deuxième kéfiyya du tawarruk, le pied droit étalé. Peut-il être étalé un peu en biais où il faut qu'il soit dans l'axe de la qibla? Dans l'axe de la qibla? Dans l'axe de la qibla, les orteils. Les orteils en direction de la... Ça n'a pas été précisé par rapport à cela. Il n'a mis sur son kana yafrushu. Kana yafrushu. Si jamais tu arrives à l'étaler de sorte à ce que tes pieds et tes orteils sont en direction de la qibla, alhamdulillah. Sans gêner ton frère, quand même. Et si jamais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de takalluf. Ton pied, lorsqu'il est dressé, pose-le au sol, et intayna, inshallah, sans takalluf. Lorsque c'est venu d'une manière générale, il y a takalluf à l'insan. Si jamais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait mis du côté de ses orteils en direction de la qibla, il l'aurait, je pense, Yanné, décrit les compagnons comme ils l'ont décrit, pour l'assise entre quoi? Entre les deux prostrations. Donc Yanné, sans se charger sa personne, il le fait de la manière dont ils sont en aisance. Donc Inch'Allah, on rentre dans le cours prévu d'aujourd'hui. قال رحمه الله تعالى الدعاء قبل السلام. Donc là, on rentre dans le chapitre qui est de faire des doigts avant que tu sortes de la prière en faisant at-taslim, ça s'appelle. Le fait de dire salam alaykum wa rahmatullah à droite et à gauche. Qala rahimahullah ta'ala thumma yad'u li nafsihi bima bada lah. Et ensuite il dit après avoir fait cela, c'est-à-dire après avoir fait tashahhud, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prié le refuge auprès d'Allah azza wa jal, contre ces quatre choses-là, il est légiféré après cela, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, que rahimahullah ta'ala, qu'il invoque Allah Azza wa Jal par les choses qui lui viennent par l'esprit, parmi les doigts qui lui viennent l'esprit. Comme il dit, rahimahullah ta'ala, ثم يدعو لنفسه بما بدا له. Yani par les choses qui lui viennent l'esprit parmi les doigts. قال مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب. Et il nous dit, le mieux c'est que, et كذلك parmi les choses qui ont été authentifiées dans le kitab et la sunnah, parmi les ad'iyah, parmi les du'a que Nabi Sallam faisait après avoir pris le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses-là. قال فإن لم يكن عنده شيء من, si jamais il n'a pas la capacité de pouvoir apprendre et mémoriser les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir pris le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses, il dit Cheikh rahimahullah ta'ala da'a bima tayassara lah. Donc il fait des du'a, tamam, yani par rapport aux choses et les du'a qu'il connaît et qui le sont le plus facilités. مِمَّا يَنْفَعُهُ فِي الدِّينِهِ وَدُنْيَا أَوْ دُنْيَا. Parmi les choses qui le seront profitables dans la vie d'ici-bas et dans le delà. Avant d'évoquer Yanni, c'est plus les formules que Cheikh rahimahullah ta'ala, il a qualifié qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont tayyib. Inch'Allah, on va déjà évoquer le jugement de faire des du'as après avoir pris le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses-là. Et entre yani avant de passer le salam. As-sahih yani fi hadhihi al-mas'ala, c'est que le fait de faire des du'as en ce moment-là, c'est que c'est une chose qui est mustahab, une chose qui est recommandée. Et le mieux, comme l'a dit Jir alayhi rahmatullah, c'est que il invoque Allah azza wa jal parmi les invocations qui sont mentionnées de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car la meilleure des guidées, c'est celle du prophète, que ce soit dans les doigts, que ce soit dans n'importe quelle chose, parmi les choses que la personne se rapproche par cela auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il n'a pas la capacité, il fait yani, de son possible, parmi les doigts qu'il connaît, comme l'a dit Cheikh, des doigts qui sont âmes, فَاتَّقُوا اللَّهُ Craignez Allah Azza wa Jal et globaliser lorsque vous faites des du'as. Donc tu demandes les choses, comme l'a dit Shir, qui vont te être bénéfiques et profitables dans la vie d'ici-bas, et surtout dans l'au-delà, dans ton din et dans ta dunya. Et hatta, si jamais il a la capacité, il mémorise, il y en a certaines des du'as que Nabi Sallam a mentionné à ce moment-là, et il lui est tout à fait autorisé d'évoquer les du'as que lui, il voit que elles sont bonnes d'être évoquées à ce moment-là, même si elles ne font pas partie de celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a utilisées. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a laissé le choix, comme il a dit dans le hadith Ibn Mas'ud, muttafaqan alayh, أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر التشهد ثم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. Après qu'il a évoqué le tashahhud, il a dit ensuite, il choisit le dua qu'il veut. Tamam. Donc le fait que Nabi Sallam a laissé le choix, c'est-à-dire qu'il a autorisé de mentionner des duas qui sont autres que celles qui sont venues dans sa sunna. On ne dit pas que il faut faire précéder ce que les choses qui apparaissent bonnes aux serviteurs à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est autorisé. Et la meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdoulilah, les doigts que Nabi sallam faisait à ce moment-là, à son nombreuses. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et d'autres, donc ils voient que le jugement d'évoquer ces doigts-là, c'est une chose qui est mustahab. Comme il a dit dans kitabihi, fi sahih al-Bukhari, dans son jami', il a dit que les sabi wajib, c'est pas une obligation. Les ulama, ils ont, et ça c'est kazalika l'avis d'une grande majorité, ou plutôt une grande partie des ulama, que le dua à ce moment-là, elle n'est pas obligatoire. Certains des savants, ils voient que ces dua-là, elles sont obligatoires, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné. Faqala thumma liyatakhayyar. Et ça, c'est une forme parmi les formes qui indique dans la langue arabe, yani l'impératif. Qui indique un ordre, ثم يتخير, et ensuite qu'ils choisissent. Ensuite qu'ils choisissent. Donc ils ont dit, c'est ma'rouf, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, le premier degré, c'est que cette chose-là, c'est une obligation, à part s'il y a un dalil qui nous prouve le contraire. La majorité des savants, ils ont répondu à cette déduction-là, qu'elle est vraie, elle est véridique, elle a sa place, lakin, pas dans ce hadith-là. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'on a pu analyser et suivre les paroles du même genre dans lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il utilisait l'impératif pour une chose dont il laissait le choix. Et ensuite, il fait ce qu'il veut. Il choisit les invocations qu'il veut. Et nous, ils disent, Yannick, que cette manière de laisser le choix qui est utilisé avec la forme impérative, elle n'implique pas quoi ? L'obligation. Car le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam laisse le choix, il dit ceci indique qu'il y en a quoi, que c'est préférable pour lui ou bien c'est autorisé. Ça implique que c'est autorisé. Et comme vous allez le voir, Inch'Allah, il y a al-mubah, c'est-à-dire une chose qui est autorisée. Tu as des formules pour connaître une chose dans l'islam qui est autorisée. Et parmi ces choses-là, il dit le fait que la religion elle laisse le choix entre des choses. Summa liyatakhayyar, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. T'as que tu dois faire des doigts, lakin que tu as le libre choix par rapport à cela. Et Kadalika, pour appuyer leur position, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là qui, lorsqu'il lui a demandé comment pries-tu, il lui a dit je fais at-tashahhud, ensuite je demande le Jannah et le refuge auprès d'Allah azawajal contre l'enfer, sans lui évoquer, si jamais ça aurait été une obligation, de faire des doigts après cela. De faire des doigts après cela, il a dit quoi ? Hawla dhalika nundandin. C'est-à-dire que nos paroles, elles tournent autour de cela. Du refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'enfer, de demander le Jannah, et on fait le tashahhud. Donc, si jamais ça aurait été une obligation, Kazalika, c'est un peu la même déduction qu'on a pu avoir et déduire de, avec Yani Aish, As-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Kazalika, avec l'Istirad, le fait de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses. Donc, si jamais ça aurait été une obligation, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait ordonné. Donc, wallahu alam, l'avis qui paraît juste, c'est que le fait de faire des doigts à ce moment-là, c'est une chose qui est mustahab. C'est une chose qui est mustahab. Et il a le libre choix par rapport à cela. Et nous, on exhorte, yani les gens et nos frères et nos sœurs, à suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Inch'Allah, on va évoquer les différents doigts qu'ils ont été authentifiés et attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces du'a-là, ce qu'a rapporté l'imam muslim alayhi rahmatullah, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, dans un hadith qui est long, et on va juste prendre la partie qui nous intéresse. Anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana min akhir ma yaqul bayna tashahhud wa at-taslim allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrantu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lam wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru, la ilaha ila ant. Donc dans ce hadith-là, un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a demandé à Allah azza wa jal de lui pardonner les péchés qu'il a fait et les péchés qu'il n'a pas encore commis. Ma qaddamtu wa ma akhartu. De lui pardonner tous les péchés à venir et les péchés qui sont passés. Et de lui pardonner kadhalika les péchés qu'il a commis en discrétion et celles qu'il a commis publiquement. De lui pardonner kadhalika le fait d'avoir péché de manière abondante. Ensuite, il a attribué que c'est à Allah Azzawajal que revient l'omniscience, c'est Allah Azzawajal qui est omniscient de toutes choses. Et ensuite, il a dit Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Antal muqaddimu, c'est toi qui mène de l'avant. C'est toi qui donne la réussite. C'est toi qui donne le tawfiq dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ou antal muakhir, c'est toi qui abandonne la personne qui. Qu'Allah Azzawajal voit qu'il est juste. D'abandonner car il n'est pas apte et il ne mérite pas d'être placé de l'avant. Donc Allah Azza wa Jal, il abandonne qui il veut par justice. La ilaha illa ant. Et il a conclu cette dua-là par l'attestation de l'unicité. Parmi les duas kadhalika, celle qu'on a pu voir et qu'on a répété beaucoup, celle dans laquelle Yanni, ce compagnon-là, auquel Nabi Sallam lui a questionné au sujet de sa prière. قال كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إن يصلك الجنة وأعوذ بك من النار وأما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. Le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani et autres, Cheikh Mokbel, Cheikh Mohamed bin Hizam, et rapporté par Abu Dawud selon un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc dans ce hadith-là, il lui a questionné, yani, comme on prie tu, il a dit, je fais le teshahoud, ensuite je demande le Jannah et le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'enfer. Donc il y a le fait que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam s'est tué sur cette dua qu'il a fait cette personne-là, ceci nous prouve qu'il est autorisé de faire des dua qui sont autres que celles que faisait le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Et Nabi Sallallahu Alaihi il a approuvé cela, le fait qu'il approuve une chose, ça fait partie de sa sunna aussi, kadhalika. La sunna se divise en trois, la sunna que Nabi Sallallahu par laquelle il ordonne, la sunna par laquelle Nabi Sallam y fait, c'est-à-dire il y a une sunna affirliya, et la sunna d'approbation. Lorsque Nabi Sallam approuve une chose qui est faite devant lui et il la réprimande pas. C'est aussi kadhalika, ça fait partie d'une catégorie parmi les catégories de la sunna. Parmi les du'a kadhalika qui est légiféré, le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim selon Abu Bakr radiallahu anhu, أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. Il lui a demandé qu'il lui enseigne une dua par laquelle il va faire et il va appliquer pendant sa prière. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم lui a enseigné cette dua là de dire au Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même yani de manière abondante. Et il n'y a d'autres que toi qui pardonnent les péchés. Donc pardonne-moi d'une miséricorde qui est auprès de toi et fais-moi la miséricorde. Plutôt pardonne-moi. Pardonne-moi d'un pardon qui vient de toi et fais-moi miséricorde. Car il n'y a autre que toi, ou plutôt c'est toi qui es, ou certainement c'est toi, le pardonneur et le miséricordieux. Yana al-Rahim. Kathalika parmi les choses qui sont légiféré de dire, hadith rapporté par Nesai et authentifié par Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, dans un hadith qui est long, lakin qui est profitable, inshallah, on s'exhorte de l'apprendre. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire, Allahumma bi'ilmika al-ghayb, wa qudratika ala al-khalq. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. Donc يعني عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه dans ce hadith nous fait part que النبي صلى الله عليه وسلم il avait l'habitude de évoquer parmi ces dua là cette grande dua dans laquelle النبي صلى الله عليه وسلم il a ouvert cette dua là en faisant cette chose qui s'appelle التوسل, c'est-à-dire mettre entre ce que tu demandes à Allah Azza wa Jal, soit les attributs d'Allah Azza wa Jal, soit ses critères, ses qualificatifs, ou bien kazalika tes œuvres pieuses, afin que ce soit une cause parmi les causes qu'Allah Azzawajal, il accepte le dua. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on peut dire cela, préfacé ces dua-là en évoquant les grands, les attributs d'Allah Azzawajal. Il lui a fait l'éloge par l'attribut par lequel Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié, c'est celui qui connaît l'invisible. Il lui a demandé, il lui a dit, je te demande par ton critère, par ton attribut qui est de connaître l'invisible et par ta puissance et ta capacité à créer la création. Fais-moi vivre si la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si tu vois que la mort est meilleure pour moi. Donc dans ce hadith-là, dans ce paragraphe-là, il a demandé à Allah Azzawajal yani la chose qui est meilleure pour lui. Si jamais c'est la vie, qu'Allah Azzawajal lui rajoute dans sa vie. Si jamais c'est la mort, qu'Allah Azzawajal le fasse mourir afin que les fitans ne le touchent pas. وَقَالَ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتُكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Et je te demande la crainte, que ce soit en public ou bien en privé, qui craint Allah Azzawajal où qu'il soit. كَمَا فِي الْحَدِيثِ اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. Crains Allah Azzawajal où que tu sois. وَالْخَشْيَةَ مَعْرُوفٌ. C'est la peur qui est joint à la science. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a fait l'éloge des ulama, car c'est ceux qui ont peur d'Allah Azzawajal et le craint, car raison de la science. Allah Azzawajal, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Et il y en a, certes, ceux qui me craignent parmi les serviteurs, ce sont les ulama. قَالَ وَاسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ. Et je te demande de dire la vérité, que ce soit dans les moments d'énervement ou bien dans les moments d'apaisement, si on peut dire cela. Car ma'rouf, yani, lorsqu'une personne, dans les moments d'aisance, la vérité, elle est simple, des fois, à dire. Laquelle, lorsque tu es en colère, yani, la colère peut te pousser à être injuste, quand même, à ne pas faire preuve d'équité. C'est pour ça que Nabi Sussam, il a demandé cette dua-là, afin qu'il soit juste dans tous ses états. Qu'il soit en colère ou qu'il ne soit pas en colère. Qu'il dise la vérité et qu'il soit juste et fasse preuve d'équité dans toutes ses paroles et dans toutes ses situations. Et je te demande le juste milieu, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse. C'est-à-dire que lorsque la personne est pauvre, elle a peur, yani, que ses biens, yani, ils expirent. Même. Donc peut-être que tu vas le voir faire preuve d'avarice. C'est yamsik animal. Même si yamsik aladhi indahu. Et kazalika, lorsqu'il est la personne vit dans l'opulence, même, ça peut le pousser à quoi ? À être injuste et à dépenser en vain. Donc il y a ni le juste milieu, que ce soit pendant dans la richesse ou bien dans la pauvreté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ni gaspillent et ni كذلك, ils font preuve d'avarice. Mais ils se dans ce juste milieu-là. Le juste milieu. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. هذا هو القصد. قَالَ وَاسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. Il a demandé à Allah Azzawajal ce bienfait qui ne se termine pas. Et ce bienfait-là, c'est le Jannah. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَدْ. هَذَا. Yani, ce qui est voulu, là, c'est dans Surat Sad, yani, en parlant du Jannah. هذا وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب إلى آخره. تمام. Et ensuite, pour conclure l'aya, إن هذا رزقنا ما لهم من نفاد. Telle est notre substance et elle n'a pas de quoi, elle n'a pas de fin. Yani la substance qui est voulue dans l'aya, c'est quoi? Al Jannah. Donc il demande le Jannah. قال واسألك قرة عين لا تنقطع. Et il demande un rugissement qui, كذلك, ne se termine pas. C'est-à-dire lorsque tu vois une chose, à chaque fois que tu vois une chose, yani, tu demandes à Allah Azzawajal que chaque chose que tu observes et que tu vois, yani, ce soit une chose qui te réjouisse, hein, qui se réjouisse, et que tu ne vois pas des choses qui vont te mettre dans l'angoisse et l'akhirah. قَالَ وَاسْأَلِكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى. Et je te demande que je fasse preuve d'agrément après que le décret soit tombé sur moi. C'est-à-dire que qu'il soit bon ou mauvais, cette personne-là a l'agré le décret d'Allah Azzawajal, parce qu'il sait que tout ce qui vient d'Allah Azzawajal, c'est un bien. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الخير كله بيديك والشر ليس إليك. Le bien tout entier est entre tes mains, et le mal ne, on ne peut qualifier que tu fais du mal, si on pourrait dire ça comme ça. Car Allah Azza wa Jalla, il crée le mal, il crée le mal, lakin ce mal-là, dans ce mal qu'il crée, il y a une hikmah. Il y a une hikmah, on a pu l'évoquer, si je me rappelle bien, dans certains durus, qu'à travers cela, Allah Azza wa Jalla, s'il n'y aurait pas maintenant le mal, comment yani, pourrait le amr bil ma'ruf, c'est-à-dire d'ordonner le blâmable et de blâmer le blâmable, il n'y aurait pas de blâmable, tu ne pourrais pas blâmer le blâmable, et c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla, il aime. Et le djihad, il en découle yani, du mal. Il faut qu'il y ait un mal pour qu'il y ait un djihad, et c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et parmi les autres choses, que si jamais le mal n'était pas là, il y aurait beaucoup de choses parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla, il aime et agrée, qui ne seront pas apparus. C'est-à-dire la religion, une grande partie, el wala wal bara, le fait d'aimer et de se désavouer pour Allah Azza wa Jalla, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et l'agré. Et parmi les choses que nos cerveaux yani peuvent yudarik, et parmi les choses que nos cerveaux yani ma yudarikun. Parmi les choses qu'on sait et parmi les choses qu'on ne sait pas. Qala was'aluka bard al-'aysh ba'd al-maut. Et il demande yani la douceur de la vie après la mort. Yani qu'il ne subisse pas ses angoisses, l'angoisse et tout ce qu'il aura pu connaître dans la vie d'ici-bas, parmi les choses yani qui mettait dans l'angoisse. Yani que après la mort, yani il ait une vie yani paisible et pleine de douceur. Qala was'aluka ladhat an-nazar ila wajhika wash-shawq ila liqa'ik fi ghayri darra mudarra wa la fitnatin mudilla. Il a conclu cette doua là. Non, plutôt il reste encore. Il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il lui rétribue cette faveur qui est de le regarder yawm al-qiyamah, de le regarder yawm al-qiyamah. Et il lui a demandé que Allah Azza wa Jal, il lui augmente dans son cœur cette envie de le rencontrer yawm al-qiyamah, sans le rencontrer par un mal qui va le nuire et non kadhalika par une fitna qui va l'égarer. وَقَالَ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِنَّةِ الْإِيمَانِ وَجَعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ. Il a conclu cette dua là en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il enjolive dans son cœur l'iman et qu'il le place parmi les droits, les personnes droites qui guident les autres gens. On va la relire inshallah pour ceux qui veulent apprendre directement. Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq ahini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li. Allahumma as'aluka khashyataka fil ghayb wa shahada was'aluka kalimata al-haqq fi ar-ridha wal ghadab was'aluka al-qasda fil faqr wal ghina was'aluka na'ima la yanfad was'aluka qurrata 'aynin la tanqati' was'aluka ar-ridha ba'da al-qada' was'aluka bard al-'aysh ba'da al-maut واسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هداة المهتدين ولا يقبضنا يوم يقبضنا في ضرة مضرة وفتنة مضلة. اللهم صل على عز وجل qui nous fasse mourir sans être parmi les gens qui égarent les gens et sans le rencontrer avec les choses qui seront inusibles. Donc inchallah on poursuit la lecture. قال رحمه الله تعالى التسليم وأنواعه. Donc التسليم c'est le fait de dire salam alaykum des deux côtés. وأنواعه يعني ces différentes catégories, car il n'y a pas une seule manière de faire تسليم, mais comme on va le voir il y en a plusieurs. Avant de passer à ces variantes que tu peux utiliser dans التسليم, quel est le jugement du taslim? Les ulama ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala. Ils ont divergé sur cette mas'ala là. Est-ce que at-taslim c'est autorisé ou bien c'est un pilier? As-sahih c'est que at-taslim c'est un pilier parmi les piliers de la prière. La prière de l'un d'entre nous ne sera complète et ne s'achèvera qu'après qu'il aura fait at-taslim. Avant cela, il sera toujours en salat. Et si jamais il n'amène pas ce taslim-là et il sort de la prière, sa prière sera caduque. Elle sera na'am batila. Elle ne sera pas valide. Et Dalil qui nous prouve que c'est un pilier, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa tahliluha as-salah. Yani la chose qui va te libérer de la prière, dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le fait que tu fasses le taslim. Car comme on a pu le voir, at-tahrim c'est quoi? At-takbir. Le fait que tu fasses le takbir, tu rentres en état de sacralisation. C'est-à-dire que les choses qui t'étaient lucides avant que tu fasses le takbir, elles te seront haram parmi le fait de boire, de manger, même de parler, de circuler, de marcher de manière à ce que tu sortes, il y en a de l'aspect du prière, même toutes ces choses-là, avant la prière, étaient illicites. Là, à partir du moment où tu as fait le takbir, tu n'as plus le droit de faire ces choses-là, jusqu'à ce que quoi, tu fasses le teslim. Et ce teslim-là, ça s'appelle tahlil, c'est-à-dire que ça te désacralise, si on peut dire ça. Et le ulama, ils ont rajouté par rapport au fait que c'est un pilier, le fait que Nabi sallam, il a quoi? Il n'a jamais délaissé cela. Il n'a jamais délaissé cela. Et le fait qu'il dise tahliluha, que ta prière assura, tu seras libéré de ta prière qu'avec le taslim. Donc ceci nous prouve que yani, c'est un pilier. Si jamais tu ne le fais pas, ta prière, tu seras toujours en état de prière. Si jamais tu fais un geste ou une chose parmi les choses qui sont illicites pendant la prière, ta prière sera annulée. Et Nabi sallam, comme on a pu le dire, c'est pas connu qu'il a achevé une de ses prières sans avoir ramené un taslim. Wakadhalika, min al-adilla qui appuie que le taslim c'est un rukn, Nabi sallam, yani, lorsqu'il a évoqué sujet de sahou, lorsque la personne yani, elle a une présomption, qala Nabi sallam, fal yabni ala ma tayaqqana thumma yutimu as-salah thumma yusallim thumma yasjud sajdatayn. Et il a dit ensuite il complète sa prière, yani, il se rassure sur la chose qu'il est, il a la certitude. Il a prié, il est sûr qu'il a prié deux unités de prière. Il a un doute sur la troisième. Qu'est-ce qu'il fait? Donc Yanni, il édifie sa prière sur cette certitude-là. Ensuite, il a dit à Nabi Sosem, Yanni, Summa Yusallim, Summa Yestud Sajdatayn. Ensuite, il fait le teslim et il fait Sajdatayn. Donc le fait qu'il a ordonné à Nabi Sosem de faire cela, Yanni, avec les arguments qu'on a pu évoquer auparavant, lorsque tu regroupes cela, tu ne peux que juger du taslim que c'est un pilier. Certains de ulama, comme on a pu le voir, ils voient que ce n'est pas un pilier, mais c'est autorisé. Ils disent par n'importe quelle chose, parmi les choses que ce que tu bois ou que tu manges ou bien que tu perds les ablutions, à partir du moment que tu as fini à tashahhud et que tu as prié sur le prophète, sallam, que tu as pris le refuge auprès d'Allah azawajal contre les quatre choses, il dit à partir de ce moment-là, tu peux te lever si tu veux. Sans faire taslim et ta prière ça complète. Ils voient que par n'importe quelle chose, après que tu as pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal, que ta prière elle est complète et elle s'achève par n'importe quel gestuel que tu feras. C'est un qol qui est bâtil, c'est un qol qui n'est pas sahih. Ils ont pris pour cela un hadith qui est da'if jiddan, même plutôt qui est munkar, dans lequel il est dit إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته. Donc ce hadith-là qui est rapporté par Nassil, j'ai oublié d'évoquer, qu'il a rapporté à la Kullihad dans la chaîne de transmission. Il y a un rapporteur qui s'appelle Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi. Il a rapporté ce hadith-là et ce rapporteur, c'est quelqu'un qui est qualifié d'être da'if. Et en plus, on ne connaît d'autres personnes à part lui qui a ramené ce hadith-là. Donc lorsque une personne qui est faible, lorsqu'on trouve un rapporteur dans la chaîne de transmission qui est faible, et de ce hadith-là, tu ne trouves, ou plutôt ce hadith-là, il n'a été rapporté que yani, par la chaîne de transmission où se trouve cette personne qui est faible. Les ulama du hadith, ils appellent ce hadith-là munkar. C'est un hadith qui est munkar. Munkar, c'est une chose qui est vraiment très réprimandable. C'est-à-dire que tu la mets de côté et tu ne peux même pas prendre ce hadith-là si jamais tu trouves une autre version. Pourquoi? Pour la compléter, car le munkar, comme a dit l'imam Ahmed, el munkaru abadan munkar. T'as même l'erreur, c'est une erreur. Tu ne peux pas la rectifier en gros. Quoi que tu ramènes, tu le mets de côté. Donc ce hadith-là, il y en a dans lequel il est dit, lorsque l'un d'entre vous yani, s'est assis à la fin de sa prière, avant le taslim, si jamais il a fait ce qu'il a fait, yani, n'importe quel gestuel, à partir du moment qu'il a fait n'importe quel gestuel, sa prière sera quoi? Elle sera valide. Lakin, ce hadith-là, elle n'est pas authentique. Ils ont pris qu'à dans les cas pour argumenter leur position. La parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, qui est authentique, dans lequel il dit إِذَا قُلْتَ هَذَا أَيْ أَتَشَهُدْ فَقَدْ قَدَيْتَ صَلَاتُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُمْ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدْ فَقْعُدْ. Donc Ibn Mas'ud dit, après que tu as dit tashahhud, après que tu as fait tashahhud, il dit ta prière, elle est complète, elle sera yani, complète par rapport à cela. Si jamais tu veux, tu te lèves, ou si jamais tu veux, tu t'assis. Donc ils ont dit, le fait qu'il a laissé le choix entre se lever et s'asseoir, même sans ramener yani, à taslim, sans avoir évoqué taslim, ils disent donc ceci nous prouve que Ibn Mas'ud il voit que tu peux sortir de la prière sans faire quoi à taslim. Lakin, cette déduction là même elle est probable. Yani on peut comprendre de la parole d'Ibn Mas'ud ce qu'ils ont compris, et qu'à tel on peut comprendre une autre compréhension, c'est-à-dire, si jamais tu as fini ta shahout et que tu as fait le taslim, si tu veux, tu te lèves, ou si jamais tu veux, tu t'assois, et par cela ta prière sera yani complète. Et ce qui appuie ce qu'on yani plutôt cette deuxième probabilité, c'est que Ibn Mas'ud, comme ça a été rapporté par l'imam Ibn Munzir, rahimahullah ta'ala, il fait partie des rapporteurs qui ont ramené le hadith dans lequel le musulman dit وَتَحْلِلُهَا صَلَةً وَتَحْلِلُهَا التَّسْلِيم. La chose par laquelle tu te, et la personne se voit libérée de la prière, par la chose yani que sa prière sera complète, c'est le fait de faire le taslim. Ibn Mas'ud, il fait partie quoi? Il fait partie des rapporteurs qui ont ramené ce hadith-là. Donc ils ont dit, yani comment ça? Comment Ibn Mas'ud il peut autoriser de sortir de la prière sans faire taslim, alors qu'il fait partie des rapporteurs dans lesquels il est évoqué que tu ne peux sortir de la prière qu'après le taslim. Donc ceci, il y en est avec la probabilité de la compréhension dans la parole d'Ibn Mas'ud, comme a dit l'imam Al-Uthaymin, mais c'est une qaïda, hatta, إذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال. À partir du moment que la probabilité dans un texte elle est complètement établie, tu ne peux déduire de ce hadith-là et en faire une preuve. Tu ne peux pas en faire de ce hadith-là une preuve, car il y a une probabilité. Donc comment tu peux en faire une preuve tangente et tangente, il y en a sur les gens-là, alors que le hadith, il est probable, je peux le comprendre d'une autre manière, et surtout en plus, si moi je ramène des dalils qui prouvent ma position, comme c'est le cas ici. Donc as-sahih, c'est quoi? C'est que le taslim la bout d'amin. Le fait de faire le taslim, tu es obligé, sinon ta prière sera quoi? Incomplète. Yaqulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa tahliluha at-taslim. La prière se complète ou s'achève par le taslim. Ensuite, est-ce que cette prière-là s'achève en faisant un taslim ou bien tu dois faire les deux taslims? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si je me contente de dire cela, est-ce que je peux sortir de ma prière ou bien je dois ramener aussi le salam du côté gauche? Qu'est-ce que les ulama ont divergé sur cette mas'ala-là, sur ce sujet-là? Certains des ulama ont dit que, et je crois même c'est la majorité, que tu dois ramener le taslim de deux côtés. Tu dois le dire à droite et à gauche. Sans cela, ta prière ne sera pas validée. Ils ont pris pour cela le hadith « wa tahliluha as-sala ». Et c'est le même hadith par lequel ils ont déduit leur position, les personnes qui voient que la prière s'achève par un seul taslim. Donc il y a eu quoi? Ce hadith-là, il est sujet d'interprétations diverses. Donc eux, ces personnes-là, le premier avis, ceux qui voient que tu dois faire les deux taslim, ils ont compris de ce hadith-là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu ne peux sortir de la prière qu'après avoir fait les deux taslim. Pourquoi? Parce qu'ils disent, premièrement, c'est une chose qui n'est pas connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire le taslim d'un côté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et en plus, ce n'est pas connu de sa sunna, comme on va le voir, qu'il il s'est contenté de faire un taslim sur le côté droit et de sortir de sa salah ainsi. Donc ils disent, yani, ces deux arguments-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas connu de sa sunna qu'il a pratiqué cette manière de sortir de la salah. Ils disent donc que la compréhension du hadith, c'est quoi? C'est que tu dois faire deux taslim, un à droite et un à gauche, et ensuite ta prière, tu peux sortir de la prière, ta prière sera achevée. L'autre partie des ulama, alayhim rahmatullah, ils ont dit non, il n'y a que ce hadith-là, wa tahliluha salah, que la prière s'achève par le taslim. Ils ont dit, at-taslim, c'est un masdar, qu'on peut traduire dans la langue française par le nom commun. Et le masdar, il y a le nom commun dans la langue arabe, il dit c'est une chose qui n'a pas de nombre, il y en a bien déterminé. Donc le fait qu'ils disent at-taslim, ça peut être un seul taslim, comme ça peut être deux, comme ça peut être trois, comme ça peut être ilakhirihi. Le fait que le masdar a été évoqué, ils disent en aucun cas on peut comprendre que lorsqu'il dit il y a wa tahlilu at-taslim, et l'achèvement de la prière c'est le taslim, il dit en aucun cas on ne peut comprendre qu'il y ait ces deux taslims. Lakin, ça s'applique à Zalika, un seul taslim. Et pour appuyer leur argument, ils ont dit en plus, ça a été authentifié de quatre parmi les sahaba qu'ils ont achevé leur prière en faisant un taslim sur un côté et sortir de la prière. Ça a été authentifié par Anas ibn Malik, par Ali ibn Abi Talib, par Aisha, et le quatrième, Naam, ou Ibn Omar. Ou Ibn Omar. Donc ces quatre compagnons parmi les compagnons, il a été connu de leur pratique de pratiquer cette coutume-là, qui est de faire un taslim sur un côté. Et ce n'est connu d'aucun sahaba qui est venu et qui a réprimandé le fait de faire cela. Donc ils disent le fait qu'ils avaient cette manière coutumière d'achever leur prière en faisant un seul taslim, sans pour autant être réprimandé par la multitude de sahaba qui sont mawjoud, ils disent que ceci prouve qu'ils voyaient le sahaba entre eux, que tu avais la possibilité de sortir de la prière qu'avec un seul taslim. Et ça, c'est l'avis qui paraît le plus juste. Ça, c'est l'avis qui paraît le plus juste, car cette multitude de sahaba, yani, leur pratique, elle a été quoi ? Elle a été propagée. Et malgré cela, personne ne l'a réprimandé. Et c'était les personnes qui avaient le plus de miséricorde, yani, pour leurs frères. Tamam. Donc s'ils voyaient leurs frères dans l'erreur, en aucun cas ils se taisaient, ils laissaient leurs frères dans l'erreur. Surtout, yani, pour une chose qui est aussi importante que la prière. Et ils n'auraient jamais laissé leurs frères achever ou penser avoir achevé leur prière alors qu'ils ne l'ont pas encore achevé. Donc le fait qu'ils se sont tus et que cette pratique-là s'est propagée parmi les sahaba et aucun de ces personnes-là ne l'a réprimandé, ça appuie vraiment l'argument de ceux qui disent que tu peux sortir de la prière si jamais tu as fait un seul taslim. Assalamu alaikum. Tu peux sortir à partir de ce moment-là de la prière. Ça, c'est l'avis qui paraît le plus juste. Lakin, le plus vigilant, c'est de quoi ? De s'en tenir à sortir de la prière en faisant quoi ? Les deux taslims. En faisant les deux taslims, à droite et à gauche. Car, comme l'ont dit les personnes de l'avis premier, ça n'a pas été connu de la sunna du prophète sallam qu'il a fait cela. Comme on va voir, ça n'a pas été connu de sa sunna et aucun hadith n'est authentifié sur cela que le prophète. Ou plutôt, il y a des hadiths, lakin ces hadiths-là, ils sont daif. Il y a des hadiths qui ont été évoqués sur le fait que Nabi sallam, il faisait un taslim sur le côté droit seulement. Lakin ces hadiths-là, inshallah, comme on va le voir, dans les variantes de faire le taslim, il n'y a rien qui a été authentifié pour cela. Donc, ce n'est pas connu de sa coutume du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de faire cela. Wa khayr hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yu'badu Allah azza wa jalla illa bima shara. Tu peux adorer Allah azza wa jalla que par des choses qui ont été légiférées. Donc le fait qu'il ne l'a pas fait, pourquoi allons-nous nous compliquer la tâche en faisant des choses que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et peut-être qu'il n'a pas fait. Lakin le fait que les sahaba ils l'ont fait, qu'il s'est propagé entre eux, comme on a dit, ceci vraiment nous montre que si jamais se sont tués sur cela, c'est que yani c'était possible. Lakin khayr hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on s'exerce à faire, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Nabi sallam yaqul sallu kama ra'aytum yusalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et ça n'a pas été connu qu'il a prié de cette manière-là, donc se contenter de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus vigilant. Quant aux manières de faire le taslim, il y a deux manières qui ont été authentifiées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الايمن. Et nous dit ensuite Cheikh رحمه الله تعالى que après qu'il ait fait ces doua là, après entre les doua qui sont faites après le fait de prendre refuge auprès d'Allah azza wa jalla contre les quatre choses, il dit il doit faire le taslim et il nous dit que ceci est un pilier, comme on a pu le voir, c'est un pilier. قال حتى يرى بياض خده الايمن, de manière à ce que les personnes qui sont derrière lui, ils puissent voir quoi ? La joue de cette personne-là. Donc, vraiment, tourner sa tête. Tourner sa tête de manière à ce que ta joue soit d'apparence aux personnes qui sont derrière toi. Car le prophète, sallam, il faisait de la sorte, jusqu'à ce que les compagnons ont qualifié qu'ils voyaient la joue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne pas se contenter de bouger un petit peu la tête, salam alaykum, comme certaines personnes de la masse le font, ils bougent un petit peu la tête et ils se contentent de cela. Même ça, c'est khilaf sunnah. Et la preuve qui nous prouve cela, qalu sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yara bayada khaddihi ou hatta yara bayada, rapporté par Ibn Majah selon Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Donc ce hadith là, il a été dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le taslim à droite et à gauche, on pouvait voir la blancheur de sa joue. Et les compagnons voyaient la blancheur de sa joue. Qala rahimahullah ta'ala, وعن نعم قال ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بيد خده الأيمن. Donc le cheikh il voit, wallahu a'lam, que yani le fait de se suffire yani d'un côté, نعم c'est clair et net. Il voit que le fait de se suffire d'un côté, de se prier, de dire le salam d'un côté, yani c'est suffisant. Et c'est ça le pilier. Et si jamais tu fais à gauche, ça c'est mustahab, tamam, ça c'est recommandé. Lakin, comme on a pu le voir, même si yani, c'est un avis qui est juste, lakin, c'est mieux de se contenter des choses que le Nabi Sallam il a fait et de s'écarter des choses que le Nabi Sallam il a pas fait. قال وعن يساره حتى يرى بيد خضه أيسر ولو في صلاة الجنازة. نعم. Et nous dit كذلك, ensuite qu'il, après qu'il a sallam à droite, il sallam كذلك à gauche, de la même manière qu'il a sallam à droite. C'est-à-dire, كذلك ça joue gauche, il faut que yani, les personnes qui sont derrière lui, yani, puissent yani, le voir. Et il dit, même si jamais c'est dans Salat al-Janaza, comme il a dit, car Salat al-Janaza, c'est une prière parmi les prières. Et le fait que Nabi sallam, yani, ou plutôt le hadith, il a été ramené de manière générale, donc ça rentre dans كذلك Salat al-Janaza. Toute salat dans laquelle il y a quoi? Il y a un teslim. قال ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة. Il nous dit que l'imam il doit élever sa voix pour le salam. نعم. Car l'imam, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, إنما جعل الإمام يتم به. Donc l'imam il a été placé pour être suivi. Si jamais il le fait ça de manière discrète, il y en a les personnes qui sont à 4, 5, 6 rangs qui sont bien derrière lui, ils vont pas savoir que la prière est finie. Excepté si jamais il lève sa voix. Il lève sa voix, il dit السلام عليكم ورحمة الله et à gauche كذلك. Afin que les gens sachent que l'imam il est sorti de sa prière. Et il ne faut pas précéder l'imam dans ces choses-là. Comme le prophète l'imam il a été placé pour être il a été placé pour présider et ne le précédez pas l'imam. قال الا في صلاه الجنازه. Il a fait Salat al-Janaza. À l'exception de Salat al-Janaza, il nous dit cher qu'il ne va pas élever la voix, mais qu'il ne voit pas pourquoi. Il a pas, j'ai omis de regarder. Al-Ma'rouf, c'est Kazalika. Comment les gens peuvent savoir que l'imam il est sorti de Salat al-Janaza si jamais il n'a pas élevé la voix? Peut-être qu'il voit qu'il ne faut pas élever la voix d'une manière qui est abusée. Lakin, à partir du moment que tu as fait entendre les personnes qui étaient derrière toi, ceci est suffisant. Wallahu a'lam. Ama le fait d'être discret, c'est-à-dire que l'imam il dit en discrétion, et de manière à ce qu'il s'entend que lui-même, c'est pas ça, c'est pas possible. Parce que Nabi Sallam dit, il n'a pas dû à l'imam, il t'aime. Donc ça, c'est un wajib qu'il élève sa voix afin qu'il soit suivi dans la prière. Lakin, wallahu alam, ce qu'il veut voir par là, c'est que tu n'élèves pas la voix d'une manière qui est observée pendant les prières obligatoires. Inch'Allah, on va rechercher cela, parce que j'ai oublié de regarder. Inch'Allah, dans on va dire le prochain cours, Inch'Allah, dans la révision. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qala huwa ala wujuhin. Donc, il nous dit que le fait de passer le taslim, il y a plusieurs manières de faire. Qala l'awwal, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu an yaminih, assalamu alaykum wa rahmatullahi an yasarihi. Naam, et ce hadith-là, cette manière de faire-là, elle a été rapportée par Ibn Mas'ud, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté par l'imam At-Tabarani. Par l'imam At-Tabarani. Kathalika, ça a été rapporté par Naam ibn Umar radhiyallahu an, selon l'imam Abu Dawud, par une chaîne de transmission qui est telle que celles qui sont dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, dans lequel Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rajouté sur la droite wa barakatuh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la gauche, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est une manière de faire. Ça c'est une manière de faire qui est authentique. Qala athani mithluhu duna qawlihi wa barakatuh. Donc il dit la deuxième manière de faire est telle que la première, sauf que tu rajoutes pas wa barakatuhu dans yani du côté droit. Tu dis juste assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À droite comme à gauche. Et ça a été rapporté par l'imam Muslim. Ali rahmatullah, et kadhalika, rapporté par l'imam Ibn Majah, comme on a pu vous faire part au début, dans lequel il est évoqué que Nabi sallam, yani, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, à droite et à gauche, d'un point qu'on pouvait voir ses joues, la blancheur de ses joues. Ça, c'est les deux manières qui sont authentifiées. Cheikh Al-Albani va nous évoquer d'autres choses, laquelle on va évoquer le degré d'authentification de ces manières qui sont évoquées après. Ça, c'est les deux manières qui sont authentifiées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça, c'est les choses qui sont authentifiées du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui va être évoqué après, c'est les choses qui n'ont pas été authentifiées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. Donc le fait de dire السلام عليكم ورحمة الله et de réduire à gauche السلام عليكم sans dire ورحمة الله. Quant à cette manière de faire là, elle est ramenée d'une chaîne de transmission qui est d'apparence authentique, dans laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait السلام عليكم ورحمة الله à droite والسلام عليكم à gauche. Lakin, lorsque les ulama ont regroupé ce texte, le texte de ce hadith-là, ils ont trouvé d'autres versions et d'autres chaînes de transmission à ce hadith-là. Dans ces chaînes de transmission, qui sont beaucoup plus nombreuses, dans ces chaînes de transmission-là, il n'est pas évoqué, ou plutôt il est évoqué que Nabi Sallam disait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, à droite comme à gauche. Et ils ont vu que les chaînes de transmission dans lesquelles il n'est pas évoqué Assalamu alaikum à gauche, elles sont beaucoup plus nombreuses que celle où il est évoqué assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, assalamu alaikum à gauche. Donc ça c'est ma'ruf, l'aspect de ces genres de hadiths dans lequel le texte a plusieurs chaînes de transmission, et certaines de ces chaînes de transmission aboutissent à un texte yani, qui est différent à l'autre version, à l'autre chaîne de transmission. Cet aspect là est l'aspect yani, du hadith qu'on appelle contradictoire, on va dire ça comme ça, le hadith est shadh, qui se contredit. Lakin, il n'y a pas de contradiction dans le din. Donc, dans ces moments-là, on regarde. Et on regarde les choses, yani, qui vont faire prépondérer yani, un avis à un autre. Et ça, c'est ma'rouf lorsqu'il y a plus, tu as plus de versions. Ton cœur, il est plus apaisé de prendre la parole des personnes qui sont plus nombreuses que l'autre. Et ça, c'est le cas dans le hadith-là. Lakin, personne parmi les grands imams et les muhaddithin, ils ont évoqué que ce hadith-là, c'est un hadith contradictoire. C'est un hadith shadh. Ils n'ont pas évoqué cela. Donc il y en a certains des ulama par rapport à cela, ils ont vu que ceux qui voient que tu dises assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum à gauche, tu peux le faire car même si jamais le hadith est contradictoire, ou plutôt il est de sens opposé, il n'y a personne parmi les ulama, les pieux, les as-salaf, il n'y a personne parmi eux qui ont évoqué que ce hadith-là il est contradictoire. Lakin, l'aspect de ce hadith-là, il est tel au hadith dans lequel ces ulama-là, des fois des hadiths, ils jugent que ce hadith-là il est quoi? Contradictoire. Un même texte, deux chaînes, il y a plusieurs chaînes de transmission, plutôt plusieurs chaînes de transmission qui sont à peu près les mêmes, qui sont à peu près les mêmes rapporteurs, et à la fin, le texte, il se contredisent. Donc, Wallahu A'lam. Le mieux, c'est d'adorer Allah Azzawajal sur la certitude. Sur la certitude. Et là, il y a un doute. Est-ce que ce hadith-là, il a été authentifié ou pas? On a un doute parce qu'on a d'autres versions qui montrent que cette manière de faire, elle n'est pas amenée dans la sunna. Donc, dans ces moments-là, c'est mieux de faire preuve de vigilance et de se contenter d'adorer Allah Azzawajal ala basira, sur clairvoyance et sur certitude. Est-ce que tu es sûr que Nabi Sallam, il a fait cela? Non. Est-ce qu'il y a un autre hadith qui montre cela? Il y a un hadith qui te met le doute. Donc dans ce cas-là, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laisse la certitude, ou plutôt délaisse le doute pour la certitude. Donc le mieux dans ce cas-là, et ça fait partie du wara dans le din, le fait de s'abstenir, c'est mieux de délaisser cette manière de faire là, car il y a un doute, est-ce qu'elle est acceptée ou pas cette version-là? Il y a des versions qui nous mettent le doute, donc délaisser le doute et s'accrocher à la certitude. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est connu qu'il a dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah à droite et à gauche. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Et celui qui fait salam alaikum wa rahmatullah wa salam alaikum à gauche, tu ne peux le réprimander car il y a un hadith qui, d'apparence, la chaîne de transmission est authentique, laquelle, comme on a pu le voir, les textes, lorsque tu les regroupes, ils prouvent le contraire. Wallahu alam. Cheikh Yahya, il voit que tu peux faire cela. Cheikh Mohammed ibn Hazam, il voit que c'est pas authentifié. Donc il y en a, comme on l'a dit, il y en a, mieux c'est s'abstenir et ne pas rajouter cela. Et certains des ulama, ils voient que tu peux le faire, comme c'est le cas de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Yahya hafidhahullahu ta'ala wa rahimah Cheikh Al-Albani rahmatan wasi'a. Qala rahmahullahu ta'ala al-rabi'u yusallim taslimatan wahidatin qawajihi yamilu bihi ila yaminihi qalilan. Et il nous dit, la quatrième manière de faire, c'est de faire un seul taslim. Un seul taslim à droite. Et il nous dit en plus, cette manière de faire là, tu la fais en décalant ta tête un tout petit peu. Il n'y en a pas comme c'est le cas. En mettant en apparence, il y en a totalement. Jusqu'à même, il y en a jusqu'à apporter le menton jusqu'à. Jusqu'au. Comment ça s'appelle, ils appellent ça le, les trapèzes, quand même. C'est pas de ramener le menton jusqu'au trapèze. Là, il y en a, tu décales ta tête un tout petit peu vers la droite et tu dis Assalamu alaikum. Il y en a, tu fais un taslim wahid. Là, il y en a, comme l'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Hizam, il n'y a aucun hadith. Qui, ou plutôt les hadiths qui ont été évoqués et attribués au prophète, ils sont tous, ce sont tous des hadiths qui sont daif. Et Hatta l'imam Ahmed et Kazalik ibn Hazm, ils ont tranché sur le fait qu'il n'y a aucun hadith qui a été authentifié sur cela. Yani, qui a été authentifié que le prophète sallam, il faisait cette manière, il appliquait et pratiquait cette manière de faire là. Et comme on a pu le voir, certains des sahaba, ils l'ont fait, quatre parmi les sahaba, ils l'ont fait. Qui se rappelle des sahaba qui n'ont fait qu'un seul taslim à droite? Aïcha. Ibn Umar, Anas, wa Ali. Ahsanta, naam. La, c'est Ali, c'est Ali. Naam. Alhamdulillah. Jazakum Allahu ta'ala khairan. Donc ils ont fait cela, et le fait que ces sahaba l'ont fait, et en plus ajouter à cela que cet acte-là, il a été quoi? Propagé, et personne n'a réprimandé cela parmi les sahaba. Donc, Allahu a'lam, celui qui le fait, tu ne peux pas le réprimander. Donc, deux manières ont été authentifiées du Prophète sallam. Le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah à gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite et à gauche. Ça a été authentifié du Prophète sallam. Il a été dit que Nabi sallam, il a fait quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullah et assalamu alaikum à gauche. Lakin ce hadith-là, il y a un doute sur l'authentification de ce hadith. Quatrième manière de faire, Assalamu alaikum. Juste à droite. Ça peut être authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hazm, lakin certains des sahaba, ils l'ont fait, et ce acte-là s'est propagé sans que personne parmi les sahaba et ne l'ont réprimandé. Avant de terminer, inshallah, on va rajouter sujoud at-tilawa, tamam, sujoud at-tilawa. Donc isbiru inshallah, al-yawm nakhtimu bih, tamam. Ou plutôt avant cela, yani une chose qui incombe les imams, tamam, le fait de se mettre en face des personnes qu'il a présidées après qu'il ait fait le taslim. Et ne pas leur tourner le dos. Et ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Samura ibn Jundub. Le prophète, lorsqu'il faisait le taslim, lorsqu'il avait fini la prière, il se tournait vers les personnes qu'il a présidées. Donc ça, c'est une attitude à respecter pour les imams. Mais c'était tout seul à Adi. Si jamais tu présides la prière, on va voir, yani, tu as un temps imparti pour rester yani, à ta position dans laquelle tu as prié, dans laquelle tu as fait le taslim. Là, qui est après ce temps-là, il faut que tu te tournes vers quoi? Vers les personnes que tu as présidées. Et là, le temps qui est imparti pour cela, c'est comme l'a rapporté Kazalika, l'imam al-Bukhari. Selon Umm Salama, radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء تمام يعني البروفيت عليه الصلاة والسلام lorsqu'il faisait la prière lorsqu'il avait achevé la prière il restait dans la position dans laquelle il a achevé un temps يعني un court temps et Aïcha رضي الله الزهري. Et il a dit, Wallahu a'lam, la hikmah pour cela, c'est afin que, parce qu'à l'époque, les femmes, Kazalika, elles assistaient au commun de la prière et elles se mettaient derrière les hommes. Il disait, Ani, afin que les femmes yani, puissent quitter les lieux de prière et ensuite se tourner, Wallahu a'lam. Et rapporté par Aïcha Kazalika, selon Muslim, un Muslim, Anna Bissam Kala, ou plutôt Kalat, Kana Bissam Salim, Zasalam, Alam Yakhud, Ilam Yakhdar, Mayakul Allahumma Anta Salam, Waminka Salam. Que le prophète, lorsqu'il avait fait le taslim, qu'il avait fini la prière, il restait dans la position dans laquelle il achevait la prière, le temps de dire quoi? Allahumma anta salam, astaghfirullah, astaghfirullah, il dit trois fois. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta, ya zal jalali wal ikram. En disant cette dua-là, que tu es, Allahumma anta salam, tu es celui qui est épargné de tout défaut, et de toi vient le salut. Béni sois-tu. Celui qui est qualifié pourrait dire ça. Al-Jalal, majesté, Zakallah khairan, na'am. Béni soit celui qui est qualifié des critères de la majesté et de l'honneur. Na'am. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il est resté au même endroit où il avait achevé la prière, le temps de dire cette dua-là. Ensuite, il se tournait vers les personnes qui la présidaient. De quelle manière, yani, de temps en temps, en se tournant du côté droit, yani, en pivotant du côté droit, et de temps en temps, en pivotant du côté gauche. Comme cela a été rapporté dans la sunna du prophète salam, par Ibn Mas'ud, رضي الله عنه, أنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاة من الصلاة يرى أن يرى أنه حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه إلا عن يمينه فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله الإمام بن مسعود في حديث متفق عليه il nous fait part dans ce hadith là que il a dit yani que le shaitan prenne pas le dessus sur vous en vous faisant croire que yani, la personne doit absolument, lorsqu'il quitte la prière, la quitter en pivotant du côté droit. C'est-à-dire, pour l'imam, se mettre face aux personnes qui ont été présidées en pivotant sur son côté droit. Il dit, car j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tourner vers les personnes qu'il a présidées en pivotant du côté gauche. Donc, yani, t'as droit de faire ceci et t'as droit de faire cela. Comme Anas ibn Malik, il a été questionné et il lui a été dit, lorsque je sors de la prière, de quel côté je sors? C'est-à-dire, lorsqu'il sort de la prière, c'est pas pour se lever pour entrer à sa maison, mais pour se mettre face aux personnes qui l'a présidé. Est-ce que je le fais du côté droit ou bien du côté gauche? Elle a dit, j'ai vu le prophète yani la qadraïtu nabi sallallahu alayhi wa sallam, aksara mayam sarifu an yamini. J'ai certes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pivotait vers nous, se dressait vers nous, se mettait face à nous, et le faisait en pivotant du côté droit. Donc yani, la sunna observée, plus particulièrement, c'est de tourner à droite, et qu'à l'écart, de le faire souvent aussi, qu'à l'écart, à gauche. Comme l'a évoqué l'imam al-Nawawi, les deux manières que tu feras sont quoi? Sont légiférées. On va rajouter qu'à l'écart, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, sujoud et tilawa. Inch'Allah, pour finir, et sujoud et tilawa. Inch'Allah, c'est vite fait. Donc, sujoud et tilawa, c'est ma'rouf, c'est la prostration lorsque tu lis un verset du Coran dans lequel il est indiqué une prosternation. Son jugement dans la prière et hors de la prière, c'est que c'est quoi? C'est mustahab. C'est que c'est recommandé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et l'a délaissé. Donc le fait qu'il a fait déjà aslan et qu'il n'a pas ordonné, ça montre que barakallahu fikum, c'est une sunnah. Et ça appuie, ce qui appuie cela, c'est qu'il l'a délaissé, il l'a fait de temps en temps. Donc toutes les ayats dans lesquelles il est dit fasjudu lillahi wahbudu tamam afa bihadha alhadith ta'dabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wahbudu, donc comme dans la fin de sourate An-Najm, c'est un ordre qu'Allah azza wa jalla, ou plutôt qu'on comprend à travers le terme qui est utilisé, que c'est un ordre, lakin la sunna du prophète alayhi salatu wassalam vient pour clarifier le Coran, comme qala subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkarun. Donc son jugement, c'est que c'est recommandé. C'est recommandé. Donc les ayats qui sont venus, qui sont d'apparence à un ordre, la sunna du prophète va prouver que c'est recommandé de le faire et non pas un ordre. Car comme ça a été authentifié par les mutafakan alayhi selon Zayd ibn Thabit, annahu qala qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-najm fa lam yastud fiha. J'ai lu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Surat al-Najm, et il n'a pas fait la prostration à ce moment-là. Et les autres hadiths qui nous prouvent qu'il a fait, il y en a sont nombreux. Hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qala qara'tu ala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qara'a nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-Najm bi Makkah, fa sajada fiha wa sajada man ma'ah. Le prophète, il a lu al-Sajda, plutôt il a lu al-Najm pendant la prière à Makkah, et il s'est prosterné à ce moment-là, et les personnes qui étaient derrière lui, kadhalika, sont prosternées. Kadhalika, hadith ibn Abbas, radiallahu anhu, anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sajada fi sad, qu'il a fait la prostration de at-tilawa, de récitation, lorsqu'il a lu surat as-sad. Quant au nombre, yani, des sajadat, des prostrations de récitation, à son nombre de 15. À son nombre de 15 dans le kitab d'Allah azawajal. La première, c'est dans surat al-A'raf. Ensuite, dans surat al-Ra'd, dans surat al-Nahl, dans surat al-Isra, Maryam, et deux dans surat al-Hajj. Une dans Surat Furqan, kazalika dans Surat Naml, dans Surat Sajda, dans Sad, Najm, Al-Ishtiqaq, ou Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il y en a qui est plus connu sur le nom de Qalam. Donc ces 15 endroits-là, il est légiféré pour celui qui veut de faire la prosternation lorsqu'il est dans la prière et kazalika lorsqu'il est hors de la prière. Lakin an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est connu de sa sunna qui s'est prosterné dans 4 prosternations de distraction parmi ces 15. Dans surat al-Sajd, dans surat al-Sad, dans surat al-Najm, dans surat al-Ishtiqaq et dans surat al-Qalam. Amma dans les autres surat, ça n'a pas été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin si tu veux, tu le fais. Si tu le veux, tu le fais, car Allah azza wa jalla, il exhorte même. Lakin Nabi sallam, il ne l'a pas fait. Et la meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains des sahaba, ils ont, comme c'est le cas de Umar, ils ont kazalika fait la prostration de récitation, je crois, dans surat al-Hajj. Donc, ceci nous prouve qu'il voyait que tu pouvais le faire, même si jamais le Nabi ne l'a pas fait à ce moment-là. C'est une sunna, lakin, c'est autorisé de le faire, kazalika, dans les autres. Est-ce qu'il est. On va évoquer les hadiths, il y en a par rapport à cela. Donc, il y en a comme on a pu le voir dans le hadith ibn Mas'ud, le Nabi l'a fait, il a prié, il a fait la sajda dans surat Sad. Dans Hadith Ibn Mas'ud, dans Surat, plutôt dans Ibn Mas'ud, Surat Najm. Dans Hadith Ibn Abbas, dans Surat Sad. Il a été évoqué, Naam, Hadith Abu Huraira dans Muslim, قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. تمام. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Huraira, selon l'imam muslim, dans lequel Nabi Sallam il a fait la prostration de récitation dans ces deux sourates-là, Al-Ishtiqaq, Wakadalika, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, donc quatre endroits dans lesquels Nabi Sallam il s'est prosterné pour la prostration de distraction, sourate Al-Najm, sourate Sad, Najm, Ishtiqaq, wa Iqra. Est-ce qu'il est légiféré pour cela de faire un takbir, c'est-à-dire pour aller en prostration lorsque l'imam te préside? Est-ce qu'il doit faire le takbir pour aller à la prostration de distraction? Les ulama, ikhtalafu fi thalika. Lakin, il n'y a aucun hadith, plutôt un hadith qui est venu, dans lequel il est dit que Nabi Sallam, il avait fait le takbir pour cela. Lakin, ce hadith-là, il est daif jiddan. Tamam, il est hadith, il est daif jiddan. Tamam, il y a un reporter qui est daif, et en plus, on ne connaît ce hadith-là que par l'intermédiaire de cette personne-là qui est daif. Ça, c'est ma'ruf, c'est un hadith qui est quoi? Qui est un hadith qui est munkar. Donc, il n'y a rien qui a été authentifié par rapport à cela. Et malgré que Nabi Sallam, il s'est connu que le Coran, il l'a lu à maintes fois, tamam. Et malgré cela, ça n'a pas été évoqué qu'il faisait le takbir pour la surah, pour aller en prostration, pour la prostration de résistation. Lakin, les ulama, ils ont dit que celui qui le fait, tu ne peux le réprimander. Par rapport au hadith qui a été authentifié, d'Abu Huraira, muttafaqan alayhi, annahu kana yukabbir kullama khafada wa rafa'. À chaque fois qu'Abu Huraira, il s'inclinait pour aller à un endroit et se relever pour de cet endroit-là, il faisait le takbir. Et à la fin, il a dit Wallahi, walladhi nafsi biyadih. Inni la ashbahakum salatan bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a juré par Allah Azza wa Jalla, pour celui qui détient son âme entre ses mains, que c'est lui qui a la salat, yani qui a la prière, qui est plus proche du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc yani, il est en train d'attribuer ce qu'il a fait à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire le takbir à chaque fois qu'il s'incline vers un endroit et à chaque fois qu'il revient. Donc le fait que tu descends en prostration pour la prostration de récitation, tu descends à cet endroit-là. Et il dit dans ce hadith-là qu'à chaque fois qu'il descendait, à chaque fois qu'il se relevait, il faisait le takbir. Donc ce hadith-là, il est global. Il peut aussi s'appliquer à quoi? Sujud al-tilawa, parce qu'il fait partie de la prière. Il fait partie, kazalika, de la prière. Donc on ne peut réprimander une personne qui aura fait cela. Et pour terminer, sujud al-shukr, sujud al-shukr, c'est pas légiféré, de faire ce jeu de souk pendant la salah. Ça, c'est une chose qui n'est pas légiférée. Le professeur Zahm, il l'a jamais fait. Et certains de ulama, ils voient que celui qui fait ce jeu de souk, comme c'est le cas d'Ibn Qadama, rahimahullah ta'ala, celui qui fait ce jeu de souk pendant la prière, sa prière sera annulée, car il est en train de ramener une chose qui ne fait pas partie de la prière. Et celui qui ramène une chose qui ne fait pas partie de la prière, il a certes fait des harakat, tamam, des gestuels qui sont, des gestuels qui vont te faire sortir de l'aspect de la prière. Car ceci ne fait pas partie de la prière. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Celui qui innove dans l'affaire religieuse, dans les affaires religieuses, parmi les choses dont on n'a pas ordonné, son adoration, plutôt la chose qu'il fera, sera rejetée. Qala rahimahullah ta'ala akhi al-muslim hadha ma tayassara li min takhlis sifati salati النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاولا بذلك أن أقربها إليك. إنه دي مفخر مسلم Voici ce qui m'a été facilité du résumé de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en essayant dans ce résumé-là, dans cet épître-là, de te rapprocher la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حتى تكون واضحة لديك ماثلة في ذهنك كأنما تراها بعينك. Il a dit, j'ai fait tout mon possible afin que cet épître-là soit clair pour toi et que tu puisses, yani, à travers ce que j'ai évoqué, yani, cerner l'aspect par lequel Nabi Sallam est prié, afin que tu sois parmi les personnes qui, même si l'on n'a pas rencontré Nabi Sallam, yani, c'est comme si jamais il avait vu prier. Yani, il a essayé de le détailler d'une manière que tu puisses, yani, prier comme si jamais tu avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. قال فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم. Il dit, si jamais tu te contentes de prier de la même manière dont je te l'ai expliqué dans cet épître là قال فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك. J'espère que si jamais tu fais cela, qu'Allah عز وجل va accepter pour toi ta prière. قال لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. Il dit, j'ai l'espérance qu'Allah Azzawajal t'accepte ta prière si jamais tu l'as pris de la sorte, car certainement tu feras partie des personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. قال ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باحتضار القلب. Il dit, et ensuite, n'oublie pas que la prière ce n'est pas que des gestuels. La valeur de la prière, comme on avait pu le voir, c'est quoi? Que ton cœur soit présent lorsque tu pries et tu te présentes en face d'Allah Azzawajal. قال والخشوع فيها. Que tu dois faire preuve d'humilité. On avait pu voir le khushu', c'était quoi? La tranquillité qui s'installe dans les cœurs et qui donne naissance à quoi? Al khudu', qui est la tranquillité dans les membres. قال فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها. Il dit, c'est la valeur de la prière, elle se résulte à cette grande valeur qui est quoi? De prier devant Allah Azza wa Jal de manière par humiliation. Par humilité. قال وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته. Il dit, à la mesure dont tu seras concentré dans ta prière et que tu suivras le prophète alayhi salatu wassalam dans les piliers, dans les obligations, dans les choses qui sont mustahab, il dit, يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Si jamais tu pries de cette sorte-là, en étant replié dans ta prière, concentré, en ayant appliqué la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, j'espère que tu vas profiter de cet énorme fruit qu'apporte la prière, qui est quoi? Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, la prière interdit la turpitude et le munkar, et même le blâmable. Donc ça, c'est le fruit de la prière pour celui qui aura prié avec un cœur replié sur Allah Azza wa Jal et avec une gestuelle qui est semblable à celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. قال وختاما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Il dit, pour finir, je demande à Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, qu'il accepte nos prières et nos différentes œuvres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve la récompense le jour où on va le rencontrer, ou le jour où nul bien et nulle descendance ne sera utile, excepté celui qui viendra à Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Et la louange appartient à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, en espérant que ce voyage dans cette excellente épître de cette grand imam, de ce grand muhaddith, Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani, il vous a été profitable. Et en espérant Allah que inshallah on fasse partie des personnes qui font suivre à la science l'application, et surtout yani le fait d'appliquer ce qu'on a vu, c'est une grande révision inshallah, et c'est la première des choses que l'Abd yawm al-qiyamah il sera questionné à ce sujet-là. Donc il faut porter de l'importance à la prière, que ce soit dans le gestuel, que ce soit dans la concentration, comme nous l'a exhorté cet grand imam, l'imam al-Albani alayhi rahmatullah. Alhamdulillah, ça a été très profitable pour moi, et j'espère aussi kadhalika pour vous. On espère que Allah Azza wa Jal, il accepte nos œuvres sincères et qu'il nous les réserve le jour où nul bien et nulle descendance ne sera profitable, excepté celui qui sera venu auprès d'Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Comme l'a dit l'imam Al-Albani, alayhi rahmatullah. Et c'était un plaisir de partager cet épître-là avec des frères, yani des auditeurs comme vous. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال الظاهرة والباطنة ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. Et inshallah, en ce qui concerne la suite, وإياكم inshallah, en ce qui concerne la suite de ce cours-là, tamam, nous inshallah, comme on a dit, on va continuer dans la catégorie jurisprudence, tamam, dans la catégorie jurisprudence. Mais en tant que frère qui vous a précédé dans Talab al-Ilm, je vous conseille ce qu'on moi, on m'a concédé parmi les personnes qui m'ont précédé dans Talab al-Ilm. C'est-à-dire que, afin de pouvoir poursuivre de la meilleure manière tout ce qui est relatif à la jurisprudence, de prendre les bases de la jurisprudence. Comme vous avez pu le voir, on a pu évoquer. À travers cet épître-là, Hatam dans la Muqaddima, dans la préface de Cheikh Al-Albani, il nous a évoqué yani, certaines règles de Usul al-Fiqh. Et Usul al-Fiqh, ma'rouf, yani, c'est la base de la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence. Les fondements qui vont te permettre d'avoir des déductions qui sont bonnes et qui sont permanentes. C'est-à-dire, c'est pas un jour tu vas avoir une déduction dans un hadith que hier tu avais une déduction en contraire. Tu vas pas être muttarib, comme il dit Cheikh Al-Albani, dans les manières de déduire dans les ahkam, c'est-à-dire un jour t'es là et un jour t'es à gauche. C'est une science qui va te permettre de suivre un chemin qui est toujours le même, inshallah, dans ta manière de déduire et surtout la manière de savoir où ils ont pris les ulama, leurs avis. Donc ça te sort de ce calvaire qui est quoi, at-taqlid, le suivi aveugle. Avec cette science-là, tu peux savoir, même si jamais tu n'as pas encore la capacité de pouvoir juger par toi-même et d'être indépendant de tes jugements, toi-même, lakin tu sauras, yani, comment ce alim, il est en arrivé à déduire que dans ce sujet-là, c'est une obligation et que dans l'autre, c'est détestable. Ceci et cela. Yani, ça va te permettre de pouvoir savoir comment ils ont déduit ces choses-là, inshallah, afin que tu sois moins aveugle dans ces choses-là. Et kadhalika, yani, la science du hadith, comme on a pu le voir, yani, le fiqh, yani, repose, yani, même le din. En dehors du kitab d'Allah Azza wa Jal et la sunna qui est sahiha, il repose sur la science du hadith. Car comment tu veux bâtir un jugement dans la jurisprudence si jamais tu ignores le degré de l'authenticité de ce hadith-là? Donc ceci, yani, te pousse et tu es nécessité de connaître les règles qui sont relatives au hadith afin de savoir si ce hadith-là est sahih ou pas. Mais on n'est pas à ce stade-là, lakin, afin que lorsque le ulama, ils utilisent des termes conventionnels qui sont propres à eux dans la science du hadith, tu puisses les comprendre. C'est-à-dire qu'afin d'alléger le cours. Lorsqu'on vient dans un hadith, comme on a pu voir la dernière fois, le tadlis, le tadlis, si jamais on aurait pris bien connu avant cela, ça nous aurait fait gagner du temps directement, au lieu de venir dans le cours de Sifat al-Salah et d'expliquer une chose qui est relative à quoi, au mustalah. Donc, connaître ces sciences conventionnelles, afin que lorsque le mudarris, celui qui donne le cours, ou bien lorsque tu écoutes un dars, si jamais ils évoquent un sens qui est relatif au sens conventionnel du mustalah, tu n'es pas perdu, tu sais de quoi il parle. Al-Sahih, je sais ce que c'est. Al-Hassan, je sais ce que c'est. Al-Maqloub, je sais ce qu'il parle. De connaître yani, ces termes-là, afin de pouvoir rentrer dans la ronde, on va dire, des ulama de Talab al-Ilm, et de ne pas être perdu dans les sens et dans les termes conventionnels qui sont utilisés dans certaines des masaïles. Donc nous, inshallah, comme on a dit, on continue dans quoi? Dans la jurisprudence. Et inshallah, comme on a commencé dans la prière, on voulait commencer par la purification, laquelle on n'avait pas trouvé d'appui pour cela. Laquelle, inshallah, même si on ne trouve pas des appuis, au pire des cas, on fera quoi? Un résumé. Mais c'est toujours plus agréable de suivre un cours avec un kitab, car ça te permet de pouvoir cerner mieux le cours, et même prendre des notes des fois, et des petites rectifications qui n'ont pas besoin de cahier. Donc, inshallah, nous on va poursuivre dans la prière. Peut-être on est dans quoi, dans la prière en commun, ou bien j'avais pensé à l'azan, parce que on entend ces temps-ci certains khilaf par rapport aux heures de prière, certaines voient 12 degrés, il y en a des degrés, je n'ai pas encore bien compris, je n'ai pas saisi cette affaire-là, mais afin de faire triompher la vérité et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, tamam. Donc on va peut-être y en faire précéder cette étude-là. Lakin, moi je vois qu'avant cela, c'est mieux de prendre un cours dans, dans les fondements de la jurisprudence, et kazalika, dans le mustalah du hadith, afin que vous, ça va vous donner des bases beaucoup plus solides, et ça va vous faciliter la compréhension, inshallah, de la jurisprudence. Donc, wallahu a'lam, moi je vois que, vu qu'on a pu répéter les sens qui sont relatifs au hadith, je vois qu'il est bien et qu'il est opportun de vous ouvrir, inshallah, al-biqouniya, afin de connaître les sens conventionnels du hadith. Et après cela, inshallah, prendre ilm al-usul de Cheikh al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, afin de kazalika, et ça c'est, ce sera beaucoup plus important, et vous verrez, il y en a les fruits énormes, et vous aurez une compréhension qui est meilleure dans votre religion, et voilà, c'est ce qu'on s'exhorte même. Donc il y en a poursuivre directement dans la jurisprudence comme ceci, il y en a pas, sans passer par ces livres-là qui sont importants, qui vont te fortifier dans tes bases, c'est bien, lakin le profit, il sera moindre. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, on poursuivra vendredi, inshallah, vendredi, donc je laisse une semaine, histoire de souffler vite fait. Donc, vendredi prochain, inshallah, à la même heure, il y aura un livre sur, on va faire l'explication de Al-Biqouniyya, donc un livre dans le hadith, et on va prendre juste le matn. Le matn, c'est-à-dire le texte du poème, même, sans prendre l'explication d'un shir parmi les shir. On va se contenter de prendre le poème et l'expliquer, inshallah, d'une manière concise afin de connaître un peu ses sens conventionnels. Wafikum barakallah. Ça, c'est un conseil que je vous recommande, inshallah. Je vous recommande énormément ces choses-là. Vous en aurez besoin de toute façon. Que ce soit dans le hadith, que ce soit dans barakallahu fikum, dans l'aqidah, que ce soit dans les livres, surtout il y en a ceux qui étudient avec Khalil, Al-Arba'in Nawawiya. Tu auras tout le temps obligé de quoi ? Tu seras dépendant de cette science-là. Donc, Inch'Allah. Et pour le contrôle, Inch'Allah, le contrôle, on va le faire. Hein, contrôle, on va faire. Et vous voulez que je vous laisse combien de temps pour réviser ? C'est vous qui voyez. Donc, ce sera un contrôle sur les choses les plus importantes. Hein. Les plus importantes, on ne va pas refaire tout cela. Sur les piliers, sur les recommandations, sur tout. Deux semaines, ça vous suffit deux semaines ? جزاكم الله خيرا تمام ان شاء الله دونك prochain cours ان شاء الله vendredi جزاكم الله خيرا ça a été un plaisir de partager cette sifat معكم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وينفعكم بما سمعنا يلا السلام عليكم ورحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك مع تحيتي دماج.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين